toujours fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition de la mi-journée de son vendredi, dont voici les grands titres. Un véhicule portant une plaque du gouvernement qui transportait plus de 300 pagnes faisant objet de fraude et ont été saisis par conséquent par la police en Bougazi de la province de Bubanza la nuit de ce jeudi. Et ce vendredi, le 27 mai, c'est le dernier jour d'enregistrement des moyens de transport non rémunérés à Mairie de Bujumbura. Les demandeurs de ce service plaident pour la prolongation du délai vu qu'une seule personne en commune de Mukaza couvre cette activité. Et la chronique environnement de ce vendredi parlait de l'acidité des sols cultivables au Burundi et les stratégies de remédiation. Voilà pour l'essentiel. Vestine Boutoui, je suis au micro à la cabine technique et c'est Alphonse Koubouiman. La radio de l'avenir. Rebonjour des citoyens de la ville de Bujumbura en commune Mukaza qui font l'enregistrement de leur moto et vélo demandent la prolongation du délai. Ils argumentent qu'une seule personne assure ce travail et par conséquent ils déplorent que jusqu'à ce dernier jour du délai fixé pour l'enregistrement de ces moyens de transport non rémunérés, tous ne seront pas enregistrés. Par ailleurs, ces citadins souhaitent recevoir un papier justificatif de cet acte. C'est le point avec Jean-Marie Mayong. Nous sommes au jardin public où se déroule le travail d'enregistrement des motos et vélos des habitants des zones de la commune Mukaza. Ceux qui se sont présentés ce vendredi disent que l'activité se déroule bien, mais ils ont des inquiétudes du fait qu'une seule personne fait ce travail. On est bien accueillis, mais nous avons des inquiétudes à voir les motos qui sont disponibles. Nous avons des inquiétudes qu'elles ne peuvent pas terminer aujourd'hui. Ça va, mais il manque quelque chose, comme c'est le dernier jour, alors que celui qui fait l'inscription elle sait et nous n'avons pas l'espoir que nous tous nous allons terminer de faire l'inscription de nos motos et vélos. Il demande qu'il y ait une autre personne pour appuyer pour que ça marche vite et que tous soient enregistrés. Et ce que je demande, c'est qu'on peut ajouter une autre personne qui aide à faire l'inscription ou bien à prolonger un délai de faire l'inscription. C'est mieux de nous donner quelque chose qui montre que nos motos, bien nos vélos sont bien inscrits. Nous demandons qu'on peut amener une autre personne qui peut aider pour l'enregistrer ces personnes parce qu'en prévision, s'il y a d'autres personnes qui viennent enregistrer leur moto, on trouve qu'on ne peut pas terminer aujourd'hui. Ce travail d'enregistrement de ces enjeux est prévu que ça prend fin ce vendredi 27 mai 2022. Merci Jean-Marie Mayonga. Et plus de 300 pagnes faisant objet de fraude ont été saisies par la police la nuit de ce jeudi sur le pont Muzazi de la commune Erugaza en province de Bubanza. Ils ont été à bord d'un véhicule portant une plaque du gouvernement et appartenant à l'Office burundais des mines OBM. Ces pagnes provenaient de la République démocratique du Congo. Information confirmée par le directeur général de l'OBM, Didas Niramiba, précise que ce véhicule de fonction du directeur chargé des opérations au sein de cet organe. À ce moment, il était conduit par un chauffeur qui s'appelle Abonimana Silver et qui était en compagnie d'une dame appelée Ndaisenga Chantal, originaire de la commune Gihanga, d'après des sources policières. Que ce soit le véhicule ou ces deux personnes, tous sont au commissariat provincial de Bubanza pour enquête et la suite de procédures. Les comptes de la commune Rumonge saisis par l'Office burundais de recettes OBR pour des impôts impayés devraient être débloqués pour permettre à la commune de réaliser des projets de développement communautaire. Cette demande est de l'administrateur communal de Rumonge, estimant que certains préalables à ce déblocage sont déjà réalisés. Pour Domitien Ndihokubwayo, au ministre burundais des Finances, du Budget et de Planification économique, les deux parties devraient s'asseoir ensemble et arrêter de modalités allant dans le sens de vider cette question. Jean-Pierre Misako. Depuis qu'il est élu à la tête de la commune Rumonge, Jérémy Biziman a dit avoir trouvé opérationnel un seul compte de cette commune domicilié à la Banque commerciale du Burundi. Les quatre autres comptes bancaires de cette commune avaient été bloqués suite à des impayés d'impôts professionnels à l'Office burundais des recettes évalué à 32 millions de francs burundais. Après le remboursement de 12 millions de francs burundais, équivalent à plus de 30% de ces impayés, Jérémy Bizimana, administrateur communal de Rumonge, voudrait que l'Office burundais des recettes débloque les trois comptes bancaires restants après le déblocage du compte communal domicilié à la banque de crédit de Bujumbura, estimant que les fonds conservés sur ces comptes, dont il ne précise pas la valeur, sont indispensables pour la réalisation des projets de la commune Rumonge. Domitien Ndihokubwayo, ministre burundais des Finances, du Budget et de la Planification économique, demande à l'OBR de vérifier le versement de 30% de ces impayés par la commune Rumonge et procéder au déblocage de ces comptes. Il faut, selon lui, que chaque institution s'acquitte convenablement et à temps de ses impôts. Les trois comptes de la commune Rumonge qui restent à débloquer sont domiciliés dans les banques BGF, Interbank et BBCI, selon l'administrateur communal de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 2 minutes au studio de la radio Isanganiro. Nous continuons le journal. Un seul sage-femme s'occupe de 50 000 personnes au Burundi, alors que les normes de l'Organisation mondiale de la santé exigent un sage-femme sur 5 000 personnes. Propos de Jean-Baptiste Nzoli Longangouze, secrétaire permanent au sein du ministère de la Santé publique, au moment où le Burundi célèbre ce vendredi la journée internationale des sages-femmes. Il fait savoir que cette journée est une opportunité de sensibiliser les sages-femmes sur leur rôle quant à la réduction de mortalité maternelle et néonatale. On l'écoute. Même si nous voyons que nous acquisons encore une lacune en termes de nombre de sages-femmes, comme les autres catégories aussi des professionnels de santé, parce que selon les normes de l'OMS, on devrait avoir au moins une sage-femme pour 5000 habitants. Mais pour le moment, nous voyons qu'au Burundi, nous avons une sage-femme pour 50 000 habitants. Leur profession est importante parce que nous voyons qu'actuellement, selon les résultats de l'enquête démographique de santé 2017, nous enregistrons 334 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et nous avons l'objectif de réduire les décès jusqu'à 140 d'ici 2030. Il y a encore une insuffisance par rapport aux professionnels de santé dans les différentes structures sanitaires. Et le manque des centres de prise en charge des victimes et des violences sexuelles constitue un défi à cette catégorie de gens. Des victimes et des violences sexuelles de la province Kayanza, une des provinces qui ne dispose pas de ce genre de centre, disent qu'elle éprouve des difficultés pour leur prise en charge. La création de ces centres figure parmi les priorités du gouvernement, selon la directrice générale chargée de la promotion de la femme et de l'égalité du genre. Un reportage de Mère Ndouaille. Le manque d'un centre de prise en charge des victimes de viol est l'un des défis que déplorent la plupart des familles ayant un membre ayant subi ces atrocités en province Kayanza. Ces dernières expliquent vendre leurs biens et propriétés pour venir en aide aux leurs. Ceux de cette famille disent n'avoir pas pu passer les examens à leur enfant, faute de moyens d'arriver à Bujumbura. Elle a pris tous les médicaments qu'on l'a prescrits. Il y avait la date de retourner pour consultance, mais elle a manqué le ticket. S'il était ici à Kayanza, à la date fixée, on devrait l'acheminer. Mais comme c'est Bujumbura, alors qu'il n'y a pas de moyens, il a raté les médicaments d'avril. Nous plaidons pour la création d'un centre de prise en charge ici à Kayanza. Le manque de ces centres ici chez nous est une entrave. Il faut nous aider pour qu'il y ait un centre de prise en charge ici à Kayanza pour que la victime n'ayant pas de moyens puisse s'y adresser. Point de vue partagé par Léoncine Chimirimana, représentante légale de l'association Murekerisoni, active dans la défense des victimes du viol. Nous nous sommes organisés en mettant ensemble de l'argent pour subvenir en cas de prise en charge pour la victime dans la commune. Vraiment, C'est un défi majeur. Il y a une victime qui était grave que j'ai assistée. Nous voulons un centre ici à Kayanze. Le gouvernement a dans ses programmes l'implantation des centres de prise en charge des victimes des violences sexuelles dans toutes les provinces, dit Donatienne Girukushaka, directrice générale de la promotion de la femme et de l'égalité du genre au sein du ministère ayant les droits de l'homme dans ses attributions, qui affirme que la province de Kayanza ne sera pas oubliée. Les centres publics sont en nombre maintenant de 5, celui de Gitega, Yinga, Chibitoke, Makamba, et Yao. Aussi un nouveau centre qui a ouvert ses portes depuis l'année passée, le centre de Rumonge. Mais il y a aussi un projet de construire un autre centre au niveau de la province de Kayanza. L'objectif du gouvernement du Burundi, c'est de mettre à l'échelle ces centres, favoriser la proximité de la prise en charge holistique des victimes. Nous avons vraiment l'objectif d'avoir plusieurs centres pour que la prise en charge soit faite en temps réel et d'une façon très rapide. Et par les professionnels. Les centres de prise en charge des victimes de viols sont déjà implantés dans les provinces de Bujumbura, Gitega, Chibitoke, Makamba, Muyinga et Rumonge. Merci. Omer Ndouaye, les femmes burundaises doivent s'autonomiser dans nos commerces et surtout en cultivant des produits de première nécessité pour promouvoir leur développement. Appel du directeur général et chargé de l'entrepreneuriat. Barotwanayo Pascal, et lors de lancement officiel de promotion du commerce et des femmes, on l'écoute. Nous venons de lancer un projet dans le cadre de promouvoir les micro-entrepreneurs et surtout à travers l'agribusiness et l'artisanat. Et ce projet va faciliter principalement les femmes entrepreneurs pour promouvoir leur développement, surtout dans les familles, étant donné que les femmes sont chargées de beaucoup de choses dans la famille. Je veux vous dire que vraiment le chiffre exact n'est pas encore, mais nous sommes à l'œuvre pour pouvoir chercher et savoir le niveau de l'entrepreneuriat des femmes au Burundi. Je voulais vous dire en passant que nous sommes aussi dans l'activité de sensibiliser les femmes, de se regrouper dans des coopératives, surtout artisanales, pour promouvoir leur développement et enfin se prendre en charge. Et comme vous le savez vous tous, au Burundi, nous avons un plan national de développement du pays de 2018-2027. Les grands défis est que pour les femmes, elles ne veulent pas s'associer avec les autres. Elles aiment travailler d'une façon isolée, mais nous sommes à l'œuvre pour sensibiliser tout les Burundais et les femmes en particulier afin qu'ils travaillent ensemble. Et en actualité internationale, au Sénégal, le président Macky Sall avance sa visite à Tivoouane après le décès de 11 bébés dans un incendie survenu à l'hôpital mercredi soir. Le chef de l'État sera sur place et ce vendredi en fin de journée, indique la présidence, pour rencontrer les familles des victimes et les autorités religieuses de la ville. Et selon le site de la Radio France Internationale, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, devrait participer jusqu'à samedi à deux sommets extraordinaires de l'organisation à Malabo. Il quittera la Guinée équatoriale après la cérémonie d'ouverture. Et en Iran, des centaines de personnes ont défilé dans des villes du sud-ouest et de l'Iran pour réclamer le jugement des responsables de l'effondrement d'un immeuble plus tôt cette semaine ayant fait 24 morts qui ont été rapportés ce vendredi, le 27 mai, des médias locaux repris par l'agence française de presse. Comme nous le trouvons sur le site de la Radio France Internationale, lundi, l'immeuble Métropole de 10 étages en construction à Ibadan, l'une des principales villes avec 230 000 habitants de la province du Khuzestan, s'est partiellement écroulé au cœur d'une rue très fréquentée. Après, c'est la place à la chronique environnement. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le sol cultivable burundais est à plus de 70% assis, d'explication du chercheur et professeur d'université Salvatore Kaboneka, qui indique qu'à ce point, le sol devient compact et imperméable et par conséquent stérile. Parmi les stratégies de remédiation, dit le chercheur, figure l'application de la Shoah et des engrais organominéraux. La chronique environnement avec Charles Makoto. Le sulfate de calcium est l'un des moyens de chasser le sodium, bien qu'il n'est pas facile et accessible au Burundi, afin d'améliorer la perméabilité du sol dit Salvatore Kaboneka, professeur d'université et chercheur à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou. Il y a une approche chimique en utilisant le sulfate de calcium. Et le calcium dans cette composante chasse du sol, de surface, disons, le sodium. Ce sodium est transformé en sulfate de sodium qui est soluble, qu'on peut évacuer avec l'eau d'irrigation. Si on chassait le sodium, ça veut dire que la salinité part avec. Les fertilisants organominéraux, comme c'est fabriqué par la société FOMI, explique le chercheur, sont bien indiqués pour son apport en la matière organique du sol, contrairement aux engrais précédemment utilisés, qui, à la longue, rendent le sol compact. La matière organique a des propriétés prouvées d'améliorer la perméabilité du sol par la porosité. Si vous appliquez de la matière organique, en termes vulgaires, vous allégez le sol. Toute chose qui a des forêts légers. Et donc, il y a des trous. La matière organique permettant la porosité, permettant la perméabilité, évacue les sels annexés en profondeur loin des racines des plantes. Une propriété physique des fertilisants organominéraux que beaucoup de gens ignorent. Parce que beaucoup de gens voient surtout le minéral, les éléments nutritifs. Et je reviens un peu au carbone. Parce que les fertilisants organominéraux, ils ont la matière organique, ils ont le carbone. Donc on nourrit à la fois la plante et le long terme, la vie du sol qui sont les micro-organismes. L'application de la chaux minérale est l'un des moyens le plus accessible et plus facile car les réserves de ce produit sont disponibles dans tous les coins du pays, affirme le professeur Kaboneka. Les sols burundais sont à pH inférieur 5,5. Et à ce pH-là, l'azote déficient, le phosphore déficient, le potassium déficient, le calcium déficient, le magnésium déficient, le bore déficient, les micro-organismes inactifs, les champignons, les bactéries. Et donc, quelle est la solution? La solution directe, corriger cette acidité. Tout à l'heure, j'ai parlé du sulfate de calcium pour ce qui est de la sodicite. Là, c'est encore un sel à calcium, c'est à dolomie, c'est le carbonate de sodium, c'est le carbonate de magnésium. Vous corrigez l'acidité, vous ramenez 6-7, vous avez effectivement un sol très fertile. Je le dis toujours, les réserves minérales de chaux, comme on appelle, chaux dolomitique, il y en a plein. Certains disent près d'un milliard de tonnes, d'autres 600 millions de tonnes. Quelque part ici, vous devez en avoir, les gisements. À Chibitoke, vous en avez. À Usiga, vous en avez. Au Mosso, vous en avez. Donc, la solution à l'acidité, elle est là. Ce n'est pas comme le sulfate de calcium. Il suffit d'agir, tout simplement. Pour cet universitaire, la fertilisation permet l'entretien des micro-organismes du sol qui, à leur tour, nourrissent les plantes. Merci Charles Makoto. Et voilà, nous sommes à la fin de ce journal. Mais avant d'y mettre un point final, permettez-moi de vous rappeler les principaux titres. Un véhicule portant une plaque du gouvernement transportait plus de 300 pagnes faisant objet de fraude et ont été par conséquent saisis par la police à Rugaza en province de Bubanza la nuit de ce jeudi. Et ce vendredi le 27 mai, c'est le dernier jour d'enregistrement des moyens de transport non rémunérés à mairie de Bujumbura. Les demandeurs de ce service plaident pour la prolongation du délai vu qu'une seule personne en commune de Mukaza couvre cette activité. Et la chronique environnement de ce vendredi a parlé de la d'éditer des sols cultivables au Burundi et des stratégies de remédiation. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse et Koubouimana pour sa parfaite collaboration. Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir.